J'ai le vent dans les idées, j'ai la voix, je suis largué, je suis libre, je suis seul, je suis fragile, je suis aveugle dans un nuage immaculé, comme une image, une image. J'ai le doute, j'ai la folie des grandeurs dans un nuage immaculé, comme une image. J'ai le temps, je suis.